Bon. Alors, bon, c'était pas. Enfin, on a décidé un petit peu à la dernière minute que j'allais faire cette présentation, donc je n'ai pas spécialement préparé. Donc, ce sera un exposé assez court, assez basique. Je vais simplement raconter comment on a eu l'idée et voilà, comment ça s'est passé, le travail qu'on a fait. Donc, ce sera rien de très théorique. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un an, j'étais en train de travailler un exposé sur la végéphobie pour un colloque qui allait se passer en Italie, à Milan, à la fac de Milan. Et donc, j'essayais de montrer un petit peu, d'expliquer ce qu'est la végéphobie, comment ça se manifeste en France et d'en donner quelques interprétations. Et pendant que je faisais ce travail-là, par ailleurs, j'ai reçu sur une liste féministe l'info comme quoi il y avait des juristes italiens qui étaient en train de préparer un dossier de plainte envoyé aux Nations Unies, au commissariat contre la discrimination, peut-être concernant l'identité sexuelle ou la violence sur les femmes. Enfin, je ne me rappelle pas exactement les détails, mais donc ça m'a un peu réveillée, j'ai dit, ah, ça pourrait être intéressant de savoir en quoi ça consiste cette procédure de plainte aux Nations Unies. Et donc, j'ai demandé à ces personnes ce que c'était, comment ça marchait. Et j'ai donc découvert l'existence de plusieurs commissions aux Nations Unies qui travaillent sur les discriminations et qui sont. Et en particulier l'existence des rapporteurs pour chaque commission, d'un rapporteur qui est une personne qui est chargée de recevoir des plaintes de la part des citoyens, associations, individus, etc., de partout dans le monde, qui signale des épisodes de discrimination et de violation des droits humains. Et éventuellement, donc le rapporteur examine les plaintes et si la plainte est jugée fondée, il y a une communication de la part du rapporteur avec le gouvernement du pays concerné. Donc là, vous avez la fiche du rapporteur spécial sur la liberté de religion ou de conviction. On va dire rapidement, le rapporteur spécial sur la liberté de religion ou de conviction est un expert indépendant désigné par le Conseil des droits de l'homme et de l'ONU. Le titulaire du mandat est invité à identifier les obstacles existants et naissants à l'exercice de la liberté de religion ou de conviction et à présenter des recommandations sur les moyens de surmonter de tels obstacles. Donc, dans la partie mandat, on a spécifiquement le rôle du rapporteur, c'est d'encourager l'adoption de mesures au niveau national, régional et international en vue d'assurer la promotion et la protection du droit à la liberté de religion ou de conviction. Repérer les obstacles existants et naissants à l'exercice du droit à la liberté de religion ou de conviction et à faire des recommandations sur les moyens de les surmonter. Poursuivre les efforts qu'il consacre à l'examen des incidents et des mesures gouvernementales qui sont incompatibles avec les dispositions de la déclaration sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction, et à recommander les mesures à prendre pour y remédier selon qu'il conviendra. Continuer d'appliquer une démarche sexo-spécifique, entre autres, bon, en mettant en évidence une violation sexiste. Voilà. Dans l'exercice de son mandat, le rapporteur spécial transmet les appels urgents et les lettres d'allégation concernant les cas qui représentent des violations de ou des obstacles à l'exercice de la liberté de religion ou de conviction aux États. Effectue des visites dans les pays, présente des rapports annuels au Conseil des droits de l'homme et à l'Assemblée générale sur les activités, les tendances et les méthodes de travail. Donc là, il y a la photo du rapporteur actuel. En fait, quand je suis tombée sur cette page, il n'était pas encore rapporteur. Il y avait l'ancienne rapporteuse, Madame Asma Jahangir, qui, entre autres, avait déjà effectué une visite en France et qui avait conduit à une relation concernant la situation des droits humains liés à la liberté de religion de conviction en France. Donc j'ai fait un petit peu le lien avec le travail que j'étais en train de faire par rapport à la DGFobie, et je me suis dit, j'ai ça comme... le problème, c'est qu'en France, moi j'ai l'impression que par rapport à la DGFobie, on a vraiment les mains liées, parce que bon, les institutions sont tellement en première ligne pour soutenir la DGFobie et pour même mettre en pratique la DGFobie. Il y a une minorité contre les discriminations qui s'appelait ALDE, je crois que maintenant on a changé de nom. Mais on a un peu eu l'impression que ça n'allait rien donner de contacter une institution française. Tellement les institutions se tiennent les unes avec les autres. Et que, effectivement, cette possibilité de faire appel à des institutions internationales avait peut-être quelques chances de réussir. Et donc, j'ai vu un petit peu concrètement comment ça marchait, cette histoire de plainte. Et on a commencé, autour de septembre, octobre, à travailler sur le dossier. Donc, c'était un long travail. On a d'abord essayé de récolter quelques témoignages. Voilà, parce que la plainte doit être composée par des témoignages individuels qui rapportent des épisodes de discrimination. Comment ? Discrimination. Non, je cherche un mot de assumé. Discrimination assumée. Envers. Voilà, avéré. Et donc, petit à petit, on a mis ensemble ce dossier avec mon témoignage à moi qui concernait mon expérience à l'hôpital pendant mon hospitalisation à la raison de mon accouchement. Et donc à ce moment-là, j'avais demandé avoir un menu végétalien. Ils m'ont dit oui, pas de problème. Et puis ce que j'ai eu, c'était des menus sans protéines. C'était même pas végétalien parce qu'il y avait des légumes avec de la crème, du beurre, etc. Donc bref, c'était carencé, c'était pas végétalien. Enfin, c'était une personne hospitalisée qui ne pouvait pas manger correctement. Après, une autre maman aussi qui a eu la même expérience à Lyon mais dans un autre hôpital, elle avait même envoyé une lettre, donc elle avait fait la demande par écrit à la direction de l'hôpital. Ils lui avaient répondu qu'il y avait une diététicienne à son écoute, elle a eu la même chose que moi. Elle que moi, nous avons gardé le petit papier avec le menu, donc on a un peu rassemblé les preuves, à vrai dire. Puis il y avait le témoignage de David par rapport à une expérience agréable avec un médecin généraliste, où on était allé avec notre fille. Il nous a dit non, c'est pas possible d'être végétalien, surtout pour les enfants, non, je ne peux pas prendre la responsabilité de suivre votre enfant. Et après, si David veut dire quelque chose spécifiquement. En fait, il n'en savait rien, simplement il répétait les consignes générales du site Manger Bouger. Donc c'est, parce qu'en fait, les journalistes ne sont pas forcément des experts en nutrition, donc ils ne connaissent rien au végétarisme et au végétalisme. Et ce qu'ils font, c'est aussi qu'au principe de leur point de vue. Et, simplement, ils utilisent les discours officiels pour se protéger. Moi, j'ai fait. Le voir de fonctionnaire, voilà. Et puis le dernier témoignage, c'était quelque chose d'encore plus compliqué, c'était une mère en train de divorcer qui avait été accusée par son ex, évidemment, de les regarder de toutes les façons possibles, qui avait été accusée de faire partie d'une secte, de mettre en danger l'enfant avec son alimentation, etc., etc. Donc elle a été l'objet de toute une enquête des réseaux sociaux, avec des épisodes très désagréables, du style Par exemple, elle allait voir un pédiatre, donc voilà, nous les végétariens, on est. Enfin, on suit quand même certaines règles alimentaires, etc. Elle a dit non, non, non, c'est pas possible. Regardez, là, il y a un traité de nutrition pédiatrique, c'est le traité qui fait froid parce que c'est le texte reconnu officiel, etc. Mais c'est même pas très récent en plus. Qui disait que le végétarisme et le végétalisme étaient des comportements alimentaires aberrants. Alors, cette mère lui a donné une photocopie de la position de l'ADA, American Dental Association, en l'invitant à le lire. Bien sûr, il l'a pas fait. Il a même perdu la photographie. Après, elle a vu un psychologue, elle a dû soumettre une évaluation psychologique. Le psychologue a fait un rapport pour la juge comme quoi il a parlé de dogmatisme alimentaire. Il a dit que le dogmatisme alimentaire de madame allait probablement créer plus de problèmes dans la séparation que l'attitude, on va dire, violente de l'époux. C'est-à-dire qu'elle s'était plainte de son ex pour violence. Le psychologue a estimé que le dogmatisme alimentaire de la maman était plus grave, enfin plus problématique au niveau de relations entre les deux parents et pour l'enfant que les violences exercées par le père. Et puis quoi d'autre, bon, après avec les assistants sociaux aussi, c'était toute une série de situations très désagréables. Bon, donc alors, le problème avec ça, c'était que c'est difficile quand même d'avoir des témoignages, de trouver des gens qui acceptent de témoigner. Enfin, non seulement, je pense que vous en avez déjà parlé ce matin par rapport au fait qu'il y a beaucoup de végétariens qui ne perçoivent pas ces situations comme des épisodes de végétophobie et de discrimination, ils ne perçoivent pas la gravité de ces épisodes. Ils se disent simplement que c'est une question de, bon, de s'en sortir, trouver les moyens, trouver les solutions, bien, bien. Il y a d'autres qui sont conscients, mais qui en même temps ont peur. Eh ben oui, il y a des personnes qui nous avaient contactés par rapport à des cours et des formations, enfin des jeunes profs. Les formations à l'UFR. Voilà, c'était une formation, oui, des formations à l'UFM ou je pense à l'UFM qui concernait la nutrition. Donc, alors, quelqu'un dans le public avait demandé qu'est-ce qu'on fait si on a dans la classe des étudiants, des élèves végétariens. Réponse du prof ou du formateur, eh bien, vous appelez les services sociaux. Mais, et un autre qui a répondu, non, mais vous n'aurez jamais un élève végétalien parce que les végétaliens sont sectes. Donc, ils n'envoient pas les enfants à l'école. Donc ça, c'était fait, voilà, on lui fait une formation avec des jeunes profs, et vous voyez, c'est des calomnies, et ça répand encore les mythes, comme quoi on aime sec, etc., etc. Voilà. Mais ces jeunes profs ont peur de témoigner, même si les dossiers pouvaient être confidentiels. Donc là, je ne vous ai pas dit le nom des gens, vis-à-vis de moi, mais bon, les personnes qui témoignaient pouvaient demander la confidentialité, et bien, malgré ça, certaines personnes n'ont pas osé. Donc ça, c'est quand même quelque chose de problématique par rapport à cette initiative. Parce que bon, c'est clair qu'il faudrait continuer, il faudrait insister. Il faudrait envoyer d'autres témoignages, mais c'est difficile d'arriver à avoir des personnes qui soient convaincues et... Oui. Une des personnes ce matin, je me dis juste qu'il y a Gania qui nous racontait aussi qu'elle avait été pardon, sa période d'essai au travail n'avait pas été renouvelée et on lui avait dit explicitement que c'était parce que je suis végétarienne alors que je n'ai pas dit du tout, je n'ai jamais dit que je suis végétarienne. Mm-hmm. Ça s'est quand même reçu un soir avec une femme mange ça de viande. Et ça, c'est resté dans sa tête pendant un mois. Le lendemain, j'ai regagné mon appartement. On a pu parler. Et à la fin, il s'est baissé. J'étais dans le bureau du directeur. Et il me dit. Et il me dit voilà, j'ai fait toutes les formes de votre travail, je n'ai pas encore accroché. Et par contre, je ne peux pas vous garder dans mon entreprise parce que vous êtes végétarienne, je n'ai jamais prononcé le nom, vous êtes végétarienne et il a été prouvé, alors je sais, et il a été prouvé que les végétariens n'ont rien dans la tête, donc je ne peux pas vous garder dans mon entreprise. Non, rien dans la tête, ils n'ont rien dans la tête, c'est le prouvé. Voilà, et c'est son histoire. C'est exactement les mots. Vous n'avez pas envie de témoigner? Oui, mais c'est pas le prix à la constitution, mais ça fonctionnera quand même. Il y a des témoignages à peu près. Voilà, pour ça. Et bon, avant, moi j'ai dit au prix 6ème dessous, parce que j'avais tout quitté à mon VIA. Absolument tout, vous savez, j'allais rester dans la ville où j'étais. Vous disiez tout à l'heure, en fait, on ne réalise pas forcément. Donc moi, je me suis dit, qu'est-ce que je voulais faire? Je suis rendue vraiment, je connais personne, je suis toute seule, j'ai mon chat, je me débrouille. C'est tout ce que j'avais en tête, en fait. Et j'ai pas vu de personne. Bon, alors, on avait ces témoignages, et puis on les avait traduits en anglais. Et même si les États-Unis c'est à Genève, on se dit que bon, le rapporteur actuel est allemand, peut-être pas forcément français, on se dit bon, il y a plus de chances que le dossier soit lu. Donc on a tout fait traduire en anglais, et puis on a rédigé une lettre. Voilà. On a déjà une lettre où on a un petit peu fait le point sur la végéphobie. Et est-ce qu'on la lit? Je ne sais pas. Rapidement. D'abord, il y avait un point pour parler rapidement du témoignage. Voilà, on a expliqué un petit peu ce qu'est la végéphobie institutionnelle. Donc voilà. Donc, la végéphobie institutionnelle se révèle notamment dans deux domaines, celui de la santé et celui de la lutte contre les sectes. Alors là, on essaie vraiment de faire un aperçu général sur ce qui se passe en France, à tous les messages institutionnels qui véhiculent de la végéphobie. Et donc, il y avait deux grandes sphères, c'était la santé et la lutte contre les sectes. Et par contre, un autre truc intéressant que j'avais trouvé, c'est la définition du droit à la santé, vous voyez, édité par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et l'Organisation mondiale pour la santé, concernant les trois types d'obligations des États. Les États devraient s'abstenir de retenir, de censurer ou de déformer les informations sur la santé. Alors c'est clair que ça a été écrit, je pense, essentiellement pour ce qui concerne la contraception et le problème du sida. Mais n'empêche que c'est très clair et que c'est quelque chose qui s'applique très bien à la situation de ce qui se passe en France par rapport aux messages véhiculés par le ministère de la Santé. Et donc ces messages, on va les voir, vous en avez déjà parlé ce matin, je vais vous montrer les documents. Alors voilà, ça c'est pendant la grossesse, vous voyez à la fin, vous êtes végétalienne, pardon. Alors, l'alimentation végétalienne, excluant tout aliment d'origine animale, peut être dangereuse pour la grossesse et l'allaitement. Elle vous expose en effet, vous et votre enfant, à des carences en vitamine B12, vitamine B, fer et autres calcium. Consultez votre médecin. Alors là, on consulte le médecin, il n'en sait rien. La seule chose qu'il peut dire, c'est « Ah non, madame, il faut que vous mangez la viande. » Donc, ce n'est pas un grand conseil. Là encore, là c'est pour les adolescents. Ah non, c'est encore la grossesse. Pareil, ça c'est une page de la plaquette. Voilà, la grossesse. Ça c'est un truc pour les adultes. Si vous êtes végétalien, ici, sachez que ce type de régime rend très difficile la satisfaction des besoins en acides aminés indispensables à fer, en calcium et en certaines vitamines. Le suivi d'un régime végétalien à long terme fait courir des risques pour la santé, notamment pour les enfants. Huh? Ça, c'est le guide pour les adolescents. Alors, le végétarien. Bah, tu es végétarienne, parlez-en à l'infirmière, ou au médecin scolaire, ou à ton médecin de famille. Tu as peut-être besoin d'une supplémentation à faire. Et puis, papa. Et le végétalisme, ne suis surtout pas ce régime. Tu aurais des graves déficiences, non seulement en protéines, mais aussi en fer et en calcium. Point d'exclamation. Et puis encore, ça c'est le site Manger Bouger. Hein. Eh bien, poisson, œuf, un à deux fois par jour. Hein. C'est aberrant. Alors là, qu'est-ce qu'ils disent? Lorsqu'on est végétarien. Donc là, ils disent qu'il faut. Enfin, si on élimine la viande et le poisson, il faut les remplacer pour obtenir les protéines. Gnagnagna. Donc, ils proposent les alternatives. Un produit céréalier combiné à un produit laitier. Un produit céréalier combiné à un peu d'œuf. Des légumes secs combinés à un produit laitier. D'autres associations peuvent porter sur deux aliments d'origine végétale combinant aliments céréaliers et légumineuses, comme par exemple de la semoule, de pois chiches, etc. Et végétalien, vous éliminez tous les produits, gnagnagna. Et là, pareil, sachez que ce type de régime rend très difficile la satisfaction des besoins, ainsi d'éliminer l'indispensable, en fait, en fonction, mais il y a des risques, notamment pour les enfants. Donc, tout ça, on a affirmé dans notre lettre que tout ça constituait quand même une violation du droit à la santé. Après, il y a la question des sectes. Ce que j'ai trouvé sur le dernier rapport de la MINUSIDA, qui il me semble de 2009, le rapport 2009, alors la MINUSIDA, c'est la mission interministérielle de vigilance et lutte contre les dérives sectaires. Et dans leur dernier rapport, ils ont fait toute une liste de régimes alimentaires alternatifs. En essayant un petit peu de suggérer qu'il y aurait un lien entre alimentation alternative et dérive sectaire, mais de façon très, très, pas par argumenter, avec des associations d'idées comme ça, très, très flou. Mais bon, ce qui est important, c'est qu'il y a cette liste de régimes alimentaires, et bien sûr, ce qui sort, le message qui sort, c'est que les végétariens sont blessés. C'est quand même ce que le public est amené à penser. Donc, dans cette liste, il y a les régimes végétariens, les régimes acceptant en quantité limitée des produits animaux, les régimes interdisant les produits du règne animal. Il s'agit du végétalisme, du véganisme, qui étend cette interdiction aux vêtements par respect et protection militante du monde animal, puis du frugivorisme, du végétarisme. Car on sait, ils sont difficiles à équilibrer et dangereux, notamment pour les enfants. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils mentionnent aussi le véganisme. Et là, ça n'a rien à voir avec l'alimentation. Alors, être vegan, être militant pour les races animales, c'est une question vraiment d'opinion politique. Donc, qu'est-ce que ça a à voir avec l'alimentation, avec les dangers, avec les sectes? Ça aussi, c'est quand même sa limite de violation de liberté d'opinion. Bon. Un autre document de la MINUSIDA, c'est la brochure Protéger les enfants des dérives sectaires. Repérer la dérive sectaire. Quels indices? Des exemples d'indices de contexte sectaire inquiétant. Le constat qu'un mineur est contraint du fait des convictions idéologiques de ses parents d'adopter une alimentation carencée induisant la suppression de nombreux aliments, cuits, protéines animales, peut constituer un indice du risque de dérive sectaire. Cet indice exige cependant une investigation plus poussée sur les conditions de vie du mineur et son état de santé afin de vérifier si cette situation ne coïncide pas avec d'autres indices significatifs. Alors là, vous avez la notion de contrainte. Donc l'enfant qui est végétarien ou qui adopte un autre régime alimentaire alternatif, il est contraint par ses parents. Or, là, la déclaration des Nations Unies concernant la liberté de conviction et d'opinion dit. Alors là, je ne l'ai pas ouvert, je suis désolée. Là, on n'a pas de connexion là. Non. Bon. je suis un peu par cœur, que les parents, que ça fait partie du droit d'opinion des parents d'élever leurs enfants dans le respect en cohérence avec leurs principes. Bien entendu, à condition que ça ne porte pas atteinte au bien-être physique et psychologique de l'enfant. Alors, vous voyez, c'est tout se joue sur la question de la santé. Un autre truc à remarquer, c'est que là, donc, cet organisme gouvernemental, il parle de dérive sectaire. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu, enfin, ça, vous devez le savoir mieux que moi, à la fin des années 90, il y a eu quand même beaucoup de bruit par rapport à cette histoire de liste, ils avaient fait une liste des organismes qui étaient à risque d'être sectaires. Il y avait beaucoup de bruit par rapport à ça, parce qu'ils avaient quand même un petit peu fait des listes, des chasses aux sorcières, finalement. En disant que des associations, des organismes comme ça, ils pouvaient être des sectes. Par exemple, les écoles Steiner étaient dans la liste des sectes potentielles. Voilà. Donc, ils ont un petit peu essayé de changer de langage pour continuer la même politique, mais en prenant des précautions de vocabulaire. Donc, maintenant, ils parlent de dérive sectaire. Et tout est très nuancé, parce que là, vous voyez, ils disent le consent qu'un mineur est contraint, nanana, peut constituer un indice du risque de dérive sectaire. Après, ils disent que les indices ne constituent pas à eux seuls des preuves d'une dérive avérée. Bon, ils sont prudents quand même, ils essaient de nuancer. Ils disent que la dérive sectaire, ce n'est pas une secte, c'est un contexte favorable à l'émergence d'une secte. Un indice, ce n'est pas lui-même une dérive sectaire, c'est un indice. Mais ce qui se passe dans la réalité, comme je vous l'ai dit dans le cas de cette mère qui est en train de divorcer, c'est que n'importe qui peut pointer du doigt, enfin moi par exemple, et dire bon, cette dame-là, elle est végétalienne, elle fait partie du secte. Ils écrivent une lettre aux services sociaux, et paf, ça déclenche l'enquête. Vous voyez ? Voilà. Donc, on a parlé de tout ça dans notre lettre à l'ONU. On a mis des minutes. On a aussi un petit peu rappelé que la rapporteuse précédente, voilà, qui était venue en France, avait quand même justement écrit dans son rapport que la politique de la France sur les sectes était très problématique vis-à-vis de la liberté d'opinion. En fait, la France a une loi spéciale sur les sectes et en fait, c'est une loi qui ne reste enfin, qui n'est pas cohérente avec la position de l'Union européenne, qui affirme que quand même la loi ordinaire devrait suffire pour intervenir dans les cas de contexte sectaire. Pourquoi ? Parce qu'il y a une question de liberté d'opinion. N'importe qui peut croire tout ce qu'il veut. On peut croire que ça intéresse, on peut croire que Elvis Presley n'est pas mort. On peut croire aux fantômes, plein de choses. L'important, c'est que ça ne porte pas à des actes illégaux, que ça ne porte pas à porter dommage à autrui. Voilà, une fois que ça se réalise, la loi ordinaire suffit, devrait suffire. Mais une fois qu'il y a une loi spéciale sur les sectes, là, on est quand même en train d'attendre la liberté d'opinion. D'accord ? Donc, nous, on a même rappelé que la rapporteuse précédente avait déjà saisi ce point-là, cette situation problématique de la France. Et voilà, bon, là on parle un petit peu de comment ça se passe en général dans la société, on présente les plaintes, et bon, et voilà, et c'est tout. Donc cette lettre a été envoyée, le 2 mai 2011, et l'accusé de réception est arrivé le 13 mai. Alors, pour l'instant, nous n'avons eu aucune réponse. Ce qui n'est pas forcément négatif, mais bon, on s'était dit qu'à la fin de l'été, on essayait de relancer, d'essayer d'envoyer un mail ou voire d'appeler pour voir ce qu'il en est. Par contre, on pense déjà faire envoyer une nouvelle plainte. En insistant sur le point de la santé. sur cette, ce passage que je vous ai lu tout à l'heure par rapport à la violation du droit de la santé qui consiste à cacher des informations, cacher ou déformer des informations concernant la santé. Parce que là, on a vraiment... il y a quelque chose, quoi. Il y a du travail à faire. Je pense qu'on a des atouts. Voilà. Donc, d'une part, on a cette idée-là, ce projet-là. Je ne sais pas dans quel délai on arrivera à le faire. Parce que bon, pour l'instant, on n'était pas très nombreux à travailler ça. Et puis, ça avance très lentement. Parce qu'on a tous divisé d'autres choses, la vie personnelle, la vie militante. Il y a la question des traductions aussi. Il y a la question des témoignages, voilà, mais bon, petit à petit, on espère faire ça. Et par ailleurs, comme justement le point sensible, c'est vraiment la santé, c'est sur l'enjeu de la santé qu'on touche. Parce que, bon, on est accusé d'être une secte parce que, voilà, les enfants, on les met en danger. On n'a pas le droit d'être végétalien parce que c'est un choc de la santé. Enfin, il y a toujours tout le temps ce point de santé qui revient. Et donc on s'est dit, on pourrait quand même essayer de contacter les gens qui sont derrière le site Manger Bouger, donc le plan national nutrition santé, le PNS, pour quelque sorte pour les défier à montrer quelles sont les sources de leurs affirmations contre le végétarisme et le végétalisme. C'était les deux documents que je vous ai montrés tout à l'heure. Sur quoi elles se basent. Alors, je vous rappelle très rapidement le site Manger Bouger, donc le site où j'ai tiré les documents que je vous ai montrés. Excusez-moi. Le site Manger Bouger, c'est un site de divulgation d'informations basiques sur l'alimentation qui devrait servir à faire que les Français aient une alimentation plus correcte et plus saine. La mention de ce site est obligatoire sur toutes les publicités de nourriture. Vous saviez ça? Voilà, c'est obligatoire. Donc, n'importe qui voit, enfin, tous les jours, on voit la référence à ce site, n'importe où, à la télé, dans les publicités, dans la rue et tout ça. Voilà. Donc, le site Manger Bouger, il répond les consignes du Plan National Nutrition Santé. Le Plan National Nutrition Santé lui-même, il se base sur des expertises. Donc, il doit quand même avoir des sources scientifiques. Et nous, on va leur demander quelles sont leurs sources pour montrer que finalement, toute cette grande architecture qui ne fait que répéter partout que le végétalisme est dangereux pour la santé, finalement, elle se base sur très peu. Voilà. Surtout qu'on était sûr qu'il n'y avait pas d'études françaises menées sur les végétaliens, les végétariens et les végétaliens. Donc, on peut avoir des études sur telle carence, mais pas vraiment une étude sur l'épidémiologie, je ne sais pas, ça. Voilà, sur un groupe de végétaliens, comment ils vont dans le temps. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a écrit une lettre. D'abord, Sarah, notre chère Sarah Firgé, a contacté le site Manger Bouger. Et elle a dit, dis donc, je suis une citoyenne, j'aimerais bien connaître les sources de ce que vous dites par rapport au végétarisme ou au végétalisme. Et ils l'ont renvoyé sur l'ANSES, qui est ex-AFSA, c'est ça? C'est-à-dire, c'est une agence d'experts de nutrition, voilà, qui font des évaluations, des expertises, comme ça. Donc, ils ont dit, c'est l'ANSES qui a donné les éléments scientifiques à la base du PNNS, c'est l'ANSES qu'il faut contacter. Donc, nous avons envoyé une lettre à l'ANSES, A-N-S-E-S. Et nous avons signé en tant qu'initiative citoyenne pour les droits des végétariens, Association DigiPride et AVF, Association DigiPride de France. Donc, dans notre lettre, nous avons posé des questions bien précises. Alors, on va les lire rapidement. Donc, dans la section bien manger, il est écrit, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure, alimentation végétarienne et équilibre nutritionnel peuvent aller de pair à condition d'appliquer certaines règles. Lorsqu'on élimine de son alimentation les produits carnés et le poisson, on limite la part de protéines. Il est donc important de remplacer ces sources de protéines en consommant par exemple des œufs, des produits laitiers, notamment les fromages, qui sont des bons compléments aux protéines végétales, apportées notamment par la consommation de céréales, de légumineuses de soja. De manière générale, il est intéressant de réaliser des associations d'aliments d'origine végétale et animale. Alors, question. On pourrait conclure que l'alimentation végétarienne ne peut être compatible avec l'équilibre nutritionnel qu'à condition que les sources de protéines qui représentent la viande ou le poisson soient remplacées par d'autres protéines animales, c'est-à-dire que les protéines végétales ne suffiraient pas. Pouvez-vous nous dire quelles études montrent que les personnes ne consommant que des protéines végétales n'ont pas un apport suffisant de protéines? Voilà, première chose. Deuxième chose, dans la même section, il est affirmé que les personnes qui adoptent un régime végétalien prennent des risques pour leur santé. Sachez que ce type de régime rend difficile la couverture des besoins d'acides aminés, donc peut faire courir des risques pour la santé, notamment pour les enfants. Pouvez-vous nous indiquer les références des études effectuées sur les personnes végétaliennes, adultes et enfants, sur lesquelles s'appuient ces affirmations? Troisième question. Le guide s'adressant aux adolescents dit « Ne suis surtout pas ce régime ». On l'a vu tout à l'heure, avançant que les conséquences seraient sérieuses. Tu aurais des graves déficiences, non seulement en protéines, mais aussi en fer et en calcium. Comme il s'agit d'un guide pour adolescents, nous supposons que vos conclusions reposent sur une ou plusieurs études évaluant la santé d'un nombre conséquent d'adolescents végétaliens. Pouvez-vous nous en transmettre les références? Quatrième question. Le même guide conseille à l'adolescente végétarienne de s'adresser à l'infirmière ou au médecin en suggérant qu'elle pourrait avoir peut-être besoin d'une supplémentation en fer. Le même conseil n'est pas donné aux autres adolescents. Y a-t-il une étude conduite sur des adolescentes végétariennes et non végétariennes qui indique que les premières sont plus exposées aux carences en fer que les secondes? Nous vous remercions d'avance. Bon, donc ils ont mis longtemps à répondre. On a envoyé cette lettre le 2 mai. Bon, il y a quelques jours, on a eu le plaisir de trouver la réponse de la boîte à lettres. Alors David, je sais pas, on l'avait scannée, donc on va la lire ensemble. Et c'était quand même une réponse assez faible. Voilà. Alors, donc le 22 juillet. Madame, monsieur, vous nous avez sollicité afin de disposer des références scientifiques à la base des recommandations relatives au régime végétarien et végétalien diffusées sur le site mangerdigé.fr. Comme vous l'avez mentionné dans votre courrier, l'Agence nationale de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, l'ANSES, a apporté le fonds scientifique du guide alimentaire, la santé et bien en mangeant, le guide alimentaire pour tous. Dans ce guide, à la section Je suis végétarien, il est indiqué que lorsqu'on élimine de son alimentation les produits carnés, on limite en même temps l'apport de protéines de bonne qualité nutritionnelle. Il est donc important de les remplacer. C'est en réalisant des associations judicieuses entre les aliments que l'on peut obtenir l'équilibre protéique nécessaire. D'autres associations peuvent porter sur des aliments. Bon, voilà, c'est ce qu'on avait lu là. Ainsi, il est important de noter que la couverture des besoins en protéines dépend d'aspects aussi bien qualitatifs que quantitatifs. On ne peut donc pas affirmer que les personnes ne consommant que des protéines végétales n'ont pas un apport suffisant en protéines. Et toc, quand même. Plus généralement, une alimentation équilibrée et diversifiée est nécessaire pour permettre la couverture des besoins nutritionnels. Ainsi, la réduction de la diversité par le retrait d'un ou plusieurs groupes d'aliments entraîne un risque potentiel de déficit d'apport à certaines vitamines et minéraux. Voilà, ça change de sujet, mais bon, par rapport aux protéines, déjà, on a quand même obtenu quelque chose d'assez remarquable. Donc, par rapport aux vitamines et minéraux, dans l'alimentation, seuls certains légumes à feuilles vertes, les fruits secs et quelques eaux minérales calciques sont riches en calcium. Le calcium ingéré provient pour plus du tiers du lait et des produits laitiers. Pour plus du tiers, quand même, c'est pas énorme, hein? Ils sont en train de jouer par rapport au lait. Mais... Comment ? Voilà. Aussi, en régime. Oh, pardon. C'est un autre. Donc, voilà, qu'est-ce que ça disait? On va reprendre la fin de la fin. Ainsi, un régime sans produits laitiers ne fournit pas plus de 400-500 mg de calcium par jour. Alors, Guigen et Al. Voilà, est-ce que c'est quoi cette étude? Alors, à quoi ça. De quoi ça peut. Vous l'avez vu? Ah voilà. Alors, apport nutritionnel conseillé pour la population française. Alors là, voilà, on vient de le recevoir, donc on n'a pas encore eu le temps de bien de chercher ce document, mais c'est sûr qu'on va le faire parce que voilà, maintenant ça commence à être intéressant. Hein. Parce que là, c'est apport nutritionnel conseillé pour la population française. Donc ça dit rien par rapport à comment ça se passe concrètement pour les végétaliens. Les végétaliens, ils mangent des produits laitiers fortifiés en calcium. Voilà, et eux, ils font comme si ça n'existait pas, quoi. Donc ça, déjà, c'est faible. Après, par rapport... De même, les apports en oméga-3 à longue chaîne chez les non-consommateurs de poissons sont 57 à 80% inférieurs à ceux qui en sont consommateurs. Welsh, lien, données de consommation non publiées provenant de l'étude IK2. Welsh, qu'est-ce que c'est que ça? Dietary intake and status. La population. Comment? Non, mais ce qui est remarquable, c'est qu'en fait, quand les végétariens essayent de mettre en avant les documents étrangers, c'est comme si rien n'était. Ils ignorent complètement. Ça n'existe pas parce que ce n'est pas français. Là, c'est une étude effectivement faite sur une population of fish eating and non-fish eating meat eaters, vegetarians and vegans. Voilà. Donc ça a l'air effectivement d'être une étude faite sur une population de gens qui... Enfin voilà, plusieurs combinaisons différentes. Après, il faudrait voir combien de végans, combien de végétaliens ont été examinés dans cette étude. Et là, ça a l'air d'avoir plein de monde. Des gens qui mangent la viande, des végétaliens, des gens qui mangent poisson, des gens qui ne mangent pas de poisson. Allez-y. Ils citent des rapports, ils sourcent le rapport dit autre chose. Si ça se trouve, oui. Ah oui, parce qu'ils le font avec le soja. Ils font des rapports sur le soja et ils arrivent à faire, les diététiciens arrivent à faire des conclusions inverses à ce que des rapports. Oui, tout à fait. Ça passe dans les médias. Tout à fait. Vraiment aller voir dans le rapport ce qu'ils disent. Parce qu'après, ils se disent, on se base sur ce rapport-là, mais il faut aller voir ce que ça dit pour être sûr que c'est bien. Parce que eux, ils font des raccourcis. Mais quand. Bon, pendant le séminaire de Florent Purza sur où j'ai parlé de végéphobie, en fait, il y avait un autre intervenant qui faisait un peu un tour sur la littérature sociologique sur les végétariens et végétaliens, et il parlait d'un article qui examinait la question si les adolescentes végétariennes sont plus exposées au risque d'anorexie. En fait, à la conclusion de l'étude, c'était que non. Mais le titre disait que oui. Enfin, le titre était formulé de sorte que ça donne l'impression que oui. Voilà. Bon. Après, l'étude de Leblanc et de Lille fournit des données sur les apports nutritionnels des végétariens en France. Cette étude a porté sur 145 sujets âgés de 7 à 87 ans, dont 94 sont lacto-végétariens, 34 sont lacto-végétariens et 17 ont une alimentation macrobiotique. Pas de végétalien, même pas de bio. Dans cette étude, les apports médians de fer héminique, dont l'absorption est bien supérieure à celle du fer héminique, sont très bas chez ces trois groupes de végétariens. Ces résultats sont compatibles avec le fait que l'apport de fer provient principalement des produits végétaux. Dans la littérature, plusieurs études montrent que les réserves en fer des végétariens peuvent être très insuffisantes chez l'enfant, l'adolescente et chez le jeune adulte. De même, les apports en vitamine B12, alors la question du fer, donc on va voir les références, ça a l'air effectivement d'être des études sur les végétariens. Sur les végétariens, mais ça ne répond pas à la question, remarquez, nous on avait demandé, est-ce qu'il y a des études qui montrent que les adolescents végétariens sont plus exposés que les adolescents non végétariens aux carences en fer. Et ils n'ont pas répondu. Après, la vitamine B12, les apports en vitamine B12 vont de 0,2 microgrammes par jour pour les personnes ayant une alimentation macrobiotique à 1,7 microgrammes par jour pour les lacto-végétariens. L'ANC, je suppose que c'est la quantité recommandée par jour, étant de 2,4 microgrammes par jour. Pour les apports, elle a aussi, comme si il n'y avait pas la possibilité de se supplémenter à vitamine B12, c'est que tous les végétaliens font ou devraient faire. Pour les apports en calcium, elle a une réserve sur le calcium, le 95e percentile le plus fort consommateur des personnes ayant une alimentation macrobiotique est en dessous des recommandations. Pour un ANC, alors là, bon, je ne comprends pas, mais je ne comprends pas pourquoi il revient sur le calcium, comme ils en avaient déjà parlé. Alors, ainsi, une alimentation végétarienne peut être équilibrée à condition que certaines recommandations alimentaires soient appliquées. Une alimentation strictement végétalienne rend très difficile, et là, ça répète la même phrase qu'on a vue sur tous les documents, rend très difficile la satisfaction des besoins en fer, en calcium et en certaines vitamines, comme la vitamine B12. Alors, à remarquer que dans leur réponse, ils parlent de la vitamine B12. Quelles sont les autres vitamines? On se dit que ça pourrait être la vitamine D. Mais la vitamine D, c'est un problème pour tout le monde, pas seulement pour les végétariens. Voilà. Ces données scientifiques font que les recommandations de santé publique se doivent d'alerter l'ensemble de la population des éventuelles conséquences de mixtion d'une ou plusieurs catégories d'aliments dans l'alimentation. En espérant vous avoir apporté des éléments de réponse, nous vous adressons le sincère. Salut. Voilà. Bon. Merci à Dominique Gombert d'avoir pris le temps de répondre. Alors, ça ne se termine pas là, évidemment. Donc là, il s'agit de voir un petit peu comment on va continuer cette initiative. Alors, bien évidemment, on ne va pas lâcher la prise, on va répondre à l'ANSES en soulevant toutes ces questions. Voilà, donc les questions auxquelles ils n'ont pas répondu, les études, on va enfin, d'abord, évidemment, lire les études et étudier les éléments qu'ils apportent. Et continuer à contester la validité des affirmations qui sont réveillées dans tous les sites et les documents, brochures, plaquettes, etc., etc. Donc c'est un travail qui va continuer. Malheureusement, je répète, on n'est pas nombreux et ce serait vraiment idéal d'avoir une équipe multidisciplinaire. Voilà, multidisciplinaire avec des avocats, avec des médecins. C'est clair que c'est pas un travail qu'on peut mener sur un seul front. Ça, il faut vraiment faire un travail global. Ça serait bien que ça soit fait en coordination avec. Au revoir. En coordination avec les autres associations végétariennes, voilà, notamment l'ABF. Et je me souhaite, j'espère que ça pourra être fait. Le problème, c'est que nous sommes tous débordés par plusieurs projets militants. Et je comprends très bien que. Il y a des personnes qui étaient intéressées, qui soutenaient ce projet, qui voyaient bien l'importance, mais qui en même temps ne pouvaient pas complètement aider. En même temps, moi je trouve que c'est quelque chose d'assez nouveau et qui va vraiment attaquer un point fondamental pour nous. D'une part, c'est un fondement de la végétologie institutionnelle. Qui après, comme on l'a vu, se répand aussi dans la société. Et de l'autre côté, c'est que l'enjeu, le vrai enjeu, c'est les animaux. Parce que si les gens, ils sont bombardés partout par des messages comme ça, des messages alarmistes et terroristes, c'est vrai, ça donne pas envie. Enfin, déjà, il y a cette image, c'est une idée du végétarien comme quelqu'un de triste qui mange que de la salade. En plus, si c'est dangereux pour la santé, ben. C'est clair que. Bon, et je rajoute un élément de plus. Bon, moi, je suis italienne, donc je peux un petit peu faire la comparaison entre la France et l'Italie. Et bon, même si en Italie aussi, on essaie un petit peu de travailler sur la question de la végétologie, on a exporté la végétale à l'Italie, tout ça. Quand même, la situation n'est pas aussi grave qu'en France. Parce que par exemple, je suis allée sur le site du ministère de la Santé italien et il mentionne la position de l'ADA. Et pour les adultes, ils disent les régimes végétariens peuvent entraîner certains problèmes, donc il faut veiller à compenser avec ceci, avec cela. Donc ils donnent des conseils quand même. C'est pas comme ces documents-là où ils disent non, c'est dangereux. En train de risque, surtout pas. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose de très spécifique à la France et c'est vraiment tout un système qui se tient ensemble qui fait que voilà qu'on n'est pas très nombreux en France. C'est une partie infime de la population, les végétariens, parce qu'il y a une tradition gastronomique, parce qu'il y a une culture humaniste très, très forte et parce que aussi il y a ce type de message alarmiste sur la santé. C'est tout à fait compréhensible que les gens s'inquiètent pour leur santé. Et donc voilà, là c'est vraiment une question de préjugé de la part des gens. C'est vraiment important. Ils entendent dire ça partout. Pourquoi ils devraient y croire? Donc, c'est à nous de nous battre pour les embêter. Et parce que jusqu'à maintenant, personne ne les embête. Voilà. J'ai fini et puis bon là il y a un blog qui s'appelle icdv.info, donc Initiative citoyenne pour les droits des végétariens, où nous essayons de publier tous les documents concernant les initiatives. Nous avons une liste de travail, c'est une liste fermée. Parce que c'est quand même un travail délicat, parce que bon, il y a la question du témoignage aussi, c'est des données confidentielles, donc on ne peut pas quand même. Je sais que c'est pas. Ça a l'air un peu élitiste, mais on ne peut pas travailler avec n'importe qui. C'est vraiment quelque chose de très délicat, il faut des gens qui soient vraiment bien, qui aient bien compris ce qu'est la végétophobie, qui aient bien compris pourquoi c'est important de lutter contre la végétophobie, et qu'ils soient quand même un minimum sérieux, et voilà. Bon, si quelqu'un parmi vous est intéressé, bien sûr, on pourra discuter. C'est sûr que c'est vraiment un grand projet qui ne se termine pas aujourd'hui. Ça ne terminera pas l'année prochaine. C'est que le début. Tout est de la région. Avant de l'enchaîner avec le GVM, RSC, machin. Il y a d'autres. disais, c'est vraiment une situation spécifiquement française. Et côté le PNNS en Belgique est pas du tout. Même pour les enfants. Enfin, je n'ai pas trop approfondi, mais je suis tombée sur des trucs, quand je cherchais un français, voilà, un peu en française, je suis tombée sur des trucs, je me dis, ah, mais le français, c'est ça. C'est belge. Mais bon, c'est quand même intéressant, c'est justement comme c'est un français, dans les tests, c'est ça, c'est ça. Bon, bah, s'il n'y a pas de questions. Il y a actuellement en France une énorme étude qui s'appelle Nutrinet, qui demande 500 000 volontaires, qui expliquent leur mode de vie, leur mode d'alimentation, et ils souhaitent, via ces 500 000 internautes, changer peut-être un petit peu ça. Est-ce que ce n'est pas l'occasion de se greffer à cette étude-là pour déjà suivre un peu les résultats, voire solliciter des végétariens et des végétariens pour participer à cette étude de façon à prouver que le régime végétarien ou végétarien ne sont pas. Alors, il me semble que m'a bien envoyé dans ce programme. C'est un truc qu'on fait sur Internet. On remplit un formulaire. Mais est-ce qu'on peut avoir confiance et financer par qui? Je ne sais pas. En tout cas, on peut participer, leur prouver que voilà, on est en bonne santé, on voit notre régime nutritionnel, voilà nos. Comment on achète, combien de fois par mois on mange, etc. C'est assez poussé, c'est sur la durée que c'est suivi et ils font appel à 500 000 volontaires. Donc à lui, plus il y aura de végétariens, de végétaliens qui s'inscrivent, et plus si on fait confiance et si les données sont effectivement bien traitées de façon simple, on peut peut-être être représentatif. Il y a un autre représentatif que le végétarien, le végétalien qui peut influencer sur les résultats de cette étude. Il me semble que j'avais un petit peu vu ce que c'était et que je n'étais pas trop convaincue. Mais bon, j'ai un nouveau. Ouais. Il y a deux personnes, en lisant des blagues et compagnie, il y a deux, trois personnes de trois jeunes qui font des thèses, mais qui sont en train de travailler sur les pays pour voir ces questions-là. Et moi, je n'ai jamais vu. C'est des sociologues. Comment ? C'est des sociologues. Il y en a une, c'était une étudiante, alors peut-être elle était déjà elle-même, et elle a fait une étude sur une étude avec deux, trois questions sur notre alimentation. Mais je n'ai pas de. Mais est-ce que c'était une étude sur la nutrition ? Elle devait être en sociologie à la fin. Non, voilà, là, c'est pas ça. Il n'y a pas de chiffre qui est relativement proche à l'alimentation. Qui ? Paul Schiffer, qui a créé une sorte d'institut de vigilance par rapport à tout ce qui est nutritionnel en France, parce que c'est l'objet de toutes les manipulations, mais dans tous les domaines, hein, sur les laitages, dans chaque plein de domaines. Et donc, je ne me trompe pas, après, c'est un ancien déclinant. Il y a peut-être des liens possibles. Je lui avais parlé des problèmes du PNNS. Oui. Enfin, il sait qu'il y avait des trucs qui sont engagés là-dessus. Est-ce que vous comptez faire des copies de presse, aussi alerter le monde végétarien là-dessus, etc. C'est rendre public ce travail d'une façon unique. Bah, alors, nous, on avait parlé de ça, de tout ce travail dans un des communiqués de la Belgique Pride. Et la partie parvenue, c'était reprise. Les végétariens ont contacté l'ONU pour ce plan des prétendues violations, discriminations, voilà, prétendues en affirmant que, voilà, c'était subjectif, voilà. Mais ils ne parlaient pas de l'inceste, de manger du jour. Ça, ils n'ont pas parlé. Et bien sûr, je pense qu'il faudrait faire un communiqué concernant la réponse de l'inceste, bien sûr. Après, il faudra voir, justement, ce serait bien de faire un communiqué un peu conjoint avec l'ABF, éventuellement aussi un petit rappel que la Veggie Pride existe, tu vois, quand ils ont eu une, c'est sûr. Et vous avez fait référence à la SARS. Est-ce que l'on peut faire ça? Moi, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas créatifs. Ils ne sont pas des nombreux, et enfin voilà, c'est un peu comme un groupe. Oui, bien sûr. On essaie de faire changer les choses. Non, mais c'est vrai, c'est une bonne idée d'en lancer. C'est aussi pour les professionnels de santé, les médecins, tout ce qui est légitime. Ça reste la situation de santé pour l'alimentation à conserver. Par exemple, dans les histoires de divorce, il y a eu plusieurs histoires de mères végétariennes et végétaliennes en train de divorcer ou mères célibataires qui ont été embêtées par les services sociaux. Le problème, c'est que ces personnes, de façon légitime, je trouve, leur priorité, c'est de sortir, de s'en sortir. Donc, elles n'ont pas envie que leur histoire devienne publique, elles n'ont pas envie d'attirer l'attention. Là, c'est, voilà, de leur point de vue, c'est tout à fait légitime et compréhensible, sauf que pour nous, c'est dommage parce que justement, on ne peut pas alerter les médias sur des histoires de cas concrets. On voit bien, justement, la machine à l'œuvre, des histoires, des accusations sectaires qui ne appuient sur rien. Parce que, bon, après, quelqu'un m'avait fait une objection, pourquoi, bon, les services sociaux, ils reçoivent des lettres qui les alertent par rapport à un danger de l'universitaire, qui font leur travail. C'est vrai, en même temps, les documents que j'ai vus, ils disent, il ne suffit pas un seul indice pour déclencher une enquête. C'est vrai que c'est des situations où ils trouvent très facilement plein de promesses. Par exemple, cette mère-là dont je vous ai parlé, le fait qu'elle allaitait encore son enfant à 9 mois, c'était mal vu. Est-ce que vous dormez avec votre enfant? Ah oui. Les enquêtes, elles démarrent tout de suite dès qu'ils ont un signalement sur n'importe quoi, que ce soit un ministre de vérificateur ou pas. Les enquêtes, elles démarrent, et après, c'est pour se placer dans. Quand tu as un nombre de cartes de normalité en main, puis moins ton âme. Oui, mais le problème, c'est que justement, ces personnes, elles sont seules face à cette machine. Parce que finalement, est-ce que tout ça, c'est. Est-ce que les services sociaux font leur travail en même temps? Est-ce qu'ils suivent vraiment les règles? C'est une histoire d'individu, ça dépend sur quelle association tu comptes quand tu as l'enquête qui se déroule. Et ça se voit vraiment sur des cas flagrants, sur d'autres trucs. Mais c'est la même situation où ce sont des familles. Donc c'est attaqué par l'intermédiaire des enfants qui cherchent à sauver les meubles tant pis côté politique. Bien sûr, voilà, c'est ce que j'ai dit. Sur la politique végétarienne, c'est vrai, sur la thématique aussi. Et c'est vrai que c'est très difficile de rendre public et d'essayer de faire front. Parce qu'il y a plein d'éléments personnels aussi très privés. En même temps, une histoire comme la tienne, bien quelque chose. Il y a autre chose, de l'esprit existentiel, c'est souvent ça, et les séjours parfois les premiers 8 mois, 4 mois, 2 mois, 1 mois, ça dépend, et je n'ai jamais eu que le premier séjour d'avait été du mois. Donc j'ai toujours demandé à avoir une diététicienne. On n'a jamais répondu à la demande. Donc je suis ressortie de l'hôpital à plus de 30 kilos. Voilà. où je n'ai jamais eu de repas approprié ou qui s'approchait de moi. Je ne demande pas à avoir du soja, des machins, des trucs comme ça. Des lentilles, des poissons. Ouais, mais des choses, qui s'approchaient de moi, de ce que je n'ai jamais. Et quand on prenait des plateaux, on avait fait Einstein, fait des caprices. Donc, moi j'étais au lieu, je leur disais, eh bien, quand je verrai une diététicienne, et là, oui, je vivrai les plateaux. Mais je vais diététicienne. Je n'ai jamais de réponse. Je vais en clinique par elle, dans les Alpes, et j'ai dit, voilà, ça, je suis susceptible de manger. Je n'aime pas ce que je mange là. Habituellement, je dis ça. Je suis susceptible de manger. C'est vraiment ça. On ne répond jamais à ma demande. Et la dernière hospitalisation de l'année dernière, j'avais perdu 18 kilos de consultation, on m'a mise en gastro-entérité pour manger. J'ai vu une diététicienne formidable. Mais alors vraiment, elle est super. Mais son discours était on ne peut pas faire de protéines végétales. Qu'est-ce que vous êtes susceptible de manger? C'est la seule que j'ai trouvée à la limite. J'ai proposé plus ou moins, donc 3 ou 4 ans, c'est beaucoup plus pour moi, mais à la limite, elle était un mérite. Elle était un mérite, c'était la seule, mais elle n'a pas répondu immédiatement. Tu as des traces de tout ça, des lettres, tu as des lignes. Non, je n'ai pas regardé, je n'ai rien entendu ça. Mais j'avais conseillé, je n'ai jamais regardé tout ça. C'est important d'avoir des témoins. Et, en fait, pour les plantes, il y a un formulaire qui est à la Nations Unies, donc un formulaire type, où justement, quand on donne une description de l'événement, de ce qui s'est passé, et puis on demande pourquoi on estime que c'est agi d'une discrimination, on demande si c'est le témoin, voilà. Plus on a, et mieux c'est. Enfin, si ça vous arrive d'aller à l'hôpital, si vous arrive de vivre des situations, donc des bonnes raisons pour croire que vous allez trouver la victime de végétophobie, essayez d'avoir des témoins, essayez de garder tout ce que vous connaissez. Est-ce qu'il existe bien la charte de victime qui est écrite du patient donc pour le réaliser, celle-ci elle existe. Mais concernant Enfin, l'attitude la plus répandue, c'est « je me débrouille, quoi ». Je voulais te demander si tu avais parlé du coup de l'astrologie. Bon, ben, je sais pas. Non, mais je dois dire que bon, ben, il y a un bout de ce que je voulais. Non. Non, simplement, moi je me rappelle pas les instances qui. De l'ONU qui ont été en cause, mais c'est une décision européenne. Oui. En fait, il y a un prisonnier, enfin quelqu'un qui est prisonnier en Colombie, qui est bouddhiste et qui est végétarien, et qui a porté plainte, on va dire, à la Cour européenne des droits de l'homme, je ne sais pas, de toute façon à l'Union européenne, pour violation de son droit d'opinion parce qu'il ne pouvait pas avoir un repas végétarien à la cantine de la Cour. Et la Cour européenne lui a donné raison. Donc voilà, dans notre lettre, on a aussi mentionné ça. Et la Cour Donc j'avais fait toute une analyse des raisons pour lesquelles la Cour avait dit, avait accepté ça, cette demande. Non, ça je peux pas dire. Mais bon, là il y a le plan personnel, si on arrive à se débrouiller, il y a le plan politique, ça c'est quand même quelque chose. Hein. Oui, je vais vous parler de. De cette affaire dont on sait pas très bien comment la qualifier. En fait, GEMRCN, c'est juste un nom d'un des éléments de la problématique. Bon, je vais vous essayer de rappeler un peu l'ensemble des choses, comment ça se présente. Bon, en fait, c'est quelque chose que j'ai un peu découvert au moment où on rédigeait la lettre à l'ONU, donc c'est toujours dans la même idée de voir les discriminations concrètes qui existent en France. Je m'étais rappelé que j'avais vaguement vu dans un article sur Internet que maintenant, les menus dans les cantines scolaires allaient devoir répondre à des normes précises. Et je n'avais pas creusé le truc. Et effectivement, c'était un petit peu difficile de creuser le truc parce que c'est une affaire à étage, en fait. Ce qui se passe, c'est que, pour prendre dans l'ordre chronologique, en 2007, il y a eu un organisme du ministère des Finances qui s'appelle le GEMRCN. Alors GEMRCN, c'est Groupe d'études des marchés, restauration collective et nutrition. Donc c'est quelque chose qui, en fait, au départ, est d'ordre purement économique, c'est-à-dire les marchés, c'est pas le marché le dimanche, c'est les marchés, c'est les marchés publics, c'est quand on fait des grands appels d'offres pour acheter des choses, enfin quand l'État ou les organismes publics, donc en particulier, un des gros marchés, évidemment, c'est la restauration scolaire, par exemple, puisque les écoles sont en grande partie d'État en France, donc c'est un gros marché d'alimentation et ça concerne évidemment une grande partie de la nourriture consommée en France qui est consommée dans la restauration scolaire et puis dans les autres formes de restauration collective d'État. Et donc ce GEMRCN a publié un document en 2007, il y en avait aussi un qui était en 99, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, 2007, c'est celui qui faisait référence, jusqu'à très récemment, sur normalisant donc la manière dont doivent être composés les repas dans les écoles, dans toutes les formes de restauration. Ça va des écoles, des crèches, les collèges, les lycées, l'université pour la restauration des étudiants, les hôpitaux, les prisons, les militaires qui semblent être joints à la question, donc la restauration collective à l'armée, et enfin les personnes âgées en institution et aussi le portage à domicile des repas des personnes âgées. Donc ce texte était en 2007 une recommandation. Recommandation, ça veut dire qu'il n'y avait aucune force légale par rapport à ça, mais c'est bien évident que ça avait quand même une force d'influence forte sur... sur toute la restauration collective. Ceci dit, j'ai l'impression que il y a eu beaucoup de difficultés à l'appliquer, dans la mesure où c'est un texte assez long. C'est un texte de 80 pages qui est très complexe. Enfin, très complexe. Disons que c'est pas du tout immédiat pour un gestionnaire quelconque de cantine scolaire ou autre d'arriver à appliquer ces règles qui sont assez pointilleuses dans beaucoup de domaines. Donc ce texte-là de 2007 est une loi donc du 27 juillet 2010, donc cette loi-là est dite de modernisation de l'agriculture et de la pêche, celle-ci. Voilà. Donc, on dit le mètre en 150. Voilà. Bon, j'ai dépassé de la page, mais bon. Donc, loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche, et dans un de ces articles, donc c'est une loi très longue sur les histoires d'agriculture et compagnie, les gestionnaires publics et privés des services de restauration scolaire, universitaire, de restauration des établissements d'accueil des enfants de moins de 6 ans, établissements de santé, sociaux, médico-sociaux, pénitentiaires, sont tenus de respecter des règles déterminées par décret relatives à la qualité nutritionnelle des repas. Donc ça dit des règles déterminées par décret. Ça ne spécifie pas quelles règles. Dans les débats à l'Assemblée nationale, au moment de la présentation de cette loi, il y a Yves Cochet, qui est un député vert, qui avait posé la question des repas du genre un lundi végétarien ou des trucs comme ça. Et la ministre de la Santé avait répondu à l'époque, cette réglementation en cours d'élaboration, donc la réglementation qui correspond à la loi qu'ils étaient en train de voter et la réglementation qui correspondra au décret, est appelée à reprendre les recommandations en matière de nutrition du groupement d'études des marchés de la restauration collective et de la nutrition, c'est-à-dire du GEMRCN. Donc, du texte, à l'époque, ça parlait d'un texte de 2007. Dès lors que l'ensemble des repères de consommation ont été respectés, les gestionnaires des établissements scolaires auront la possibilité d'organiser des repas à thème, avec notamment des repas végétariens, le cas échéant. Ce qui veut dire que sa réponse, c'est positif du point de vue de Yves Cochet, dans un certain sens, c'est-à-dire qu'il est possible d'organiser des lundis végétariens. Enfin, c'est possible, mais en tout cas, je pense qu'Yves Cochet demandait que qu'on l'encourage, là ça l'encourage pas, mais ça dit simplement il est possible d'organiser de temps en temps des repas végétariens en tant que repas à thème. Je ne sais pas, parce qu'il y a marqué le cas échéant, mais le cas échéant, je ne sais pas si ça fait référence à 6 jours à la demande, ou si ça fait référence une fois toutes les spécifications respectées. Oui, en tout cas c'est très vague et c'est. Bon, mais je pense que. Alors quand on lit les recommandations du GEMRCN, la recommandation, le texte, on se rend compte qu'effectivement, il est possible, en restant à l'intérieur de cette recommandation, d'organiser des repas végétariens. Pourquoi ? Parce que cette recommandation, ce texte, dit par exemple des choses sur une suite de 20 repas successifs de midi, par exemple. Il faut avoir 4 fois du poisson, 4 fois de la viande. Donc des choses comme ça, spécifiées en minimum, enfin minimum 4 fois du poisson, ça dit 2 fois du poisson par semaine aussi, à un autre endroit, dans la dernière mouture. 2 fois du poisson par semaine, ça n'empêche pas de faire un jour, de temps en temps, où il n'y ait pas du poisson, et donc où le repas soit végétarien. Mais si on respecte les fréquences de service de poissons, enfin d'aliments de viande, enfin de viande et de poissons, il est clair qu'on ne peut pas être végétarien et manger à l'école. Ou alors un végétarien peut aller à l'école une fois tous les lundis. Ou si vous êtes hospitalisé, vous devez obtenir d'aller à l'hôpital une fois de temps en temps, quoi. Mais pas pendant une semaine de suite, puisque pendant une semaine de suite, on impose qu'il y ait du poisson deux fois. Alors donc ce texte du GEMRCN de 2007 n'était qu'une recommandation. La loi de 2010 a dit le gouvernement spécifiera par décret les règles. La ministre a dit que ces règles reprendront celles du GEMRCN. Et donc si on va sur Internet, on trouve plein de sites où ils disent que c'est imminent que ces règles, que les décrets donc paraissent pour que cette loi devienne effective. Et j'ai découvert il y a quelques jours donc que qu'une nouvelle mouture de ces règles est sortie Donc, tout ce que je disais dans cet article ci-dessous est caduque, sauf que de fait, c'est la même chose, c'est-à-dire que les références exactes ne sont pas les mêmes, mais chaque série de 20 repas servis doit comporter au moins 4 fois du poisson, 4 fois de la viande, etc. Enfin, bon, donc, c'est clair que quelqu'un qui mange, qui désirerait manger végétarien à l'école, serait dans l'illégalité, enfin les gestionnaires de l'école seraient dans l'illégalité s'ils lui permettaient de manger végétarien. Ce texte que je suis en train de vous passer là, c'est un texte. Alors bon, il y a une histoire de possibilité d'exception, de dérogation, mais qui est réservée strictement aux cas médicaux. Le plan d'accueil individualisé, c'est les cas d'allergie, de diabète et autres d'enfants ou d'autres qui ont des raisons médicales particulières, donc les végétariens, n'ayant, comme c'est une histoire de conviction et pas de problème médical, ne peut pas rentrer là-dedans, donc il est illégal de permettre à un végétarien de manger à la cantine. Donc j'avais écrit ce texte. A été pas mal critiqué par pas mal de gens. Bon, d'abord, il a été refusé par l'AVF, la publication sur son truc, en disant que c'était négatif, que ça ne donnait pas une belle image du végétarisme, puisque ça disait que le végétarisme ne devait pas être illégal, il vaut mieux pas en parler. Mais bon, les critiques de droite et de gauche par rapport à ce texte consistaient à dire mais de toute façon, qu'est-ce que ça va changer ? Aujourd'hui, il est déjà très difficile de trouver des repas, une école qui veuille bien donner des repas végétariens à un enfant. Donc les gens sont obligés d'arriver à passer entre les gouttes, d'essayer de trouver un cuisinier compatissant, etc. Je pense que c'est vraiment voir les choses par le petit bout de la lorgnette. Il est clair qu'il était difficile jusqu'à maintenant d'être végétarien. Mais d'abord, dans la pratique, on pouvait trouver de temps en temps des cuisiniers végétariens. Aujourd'hui, on ne pourra pas en trouver, sauf si ce sont des cuisiniers qui acceptent d'enfreindre la loi. Les conséquences pour le cuisinier ne seront pas forcément dramatiques, dans le sens que quand ça parle de sanctions, là, ça parle surtout de rappel des règles, de choses comme ça. C'est-à-dire que ça ne dit pas le cuisinier, il va aller en prison ou subir une amende. Mais on sent venir que derrière ça, si un cuisinier veut vraiment pas, que ça va finir par chauffer pour lui, quoi. Simplement, c'est que le fait de dire le végétarisme est illégal en France pour une grande partie de la population, je crois que c'est extrêmement fort comme message, quoi. C'est-à-dire, ça signifie que, d'une part, c'est illégal en vertu de normes nutritionnelles, ça veut dire que le végétarisme est tellement mauvais pour la santé que les normes nutritionnelles pour les enfants l'interdisent. Ça veut dire que, moi si j'étais un gamin à l'école et que j'étais végétarien et que je disais je veux être végétarien, je serais dans mon droit, j'aurais l'impression d'être dans mon droit de le demander. Tout le monde me dit c'est illégal, les autres gamins ils vont se foutre de ma gueule en disant que tout le monde c'est illégal, t'es un délinquant pratiquement. Je veux dire que ça fait passer les végétariens au statut de délinquant. Je trouve que c'est un changement qualitatif de la situation, même si, de fait, sur le terrain, à un certain niveau, ça change pas les choses, c'est un changement qualitatif. Moi, je fais une comparaison qui, dans une certaine mesure, est peut-être exagérée, parce que c'est clair que les végétariens, aujourd'hui, ne subissent pas persécutions comme les juifs à une époque, mais je veux dire que, mettons, avant que ça devienne des persécutions, il y avait le fait que, par exemple, dans certains pays, en Allemagne ou en France aussi, dans certains métiers, il était très difficile à un juif, de fait, de se faire embaucher, parce qu'on le regardait de travers. À un certain moment, sous Pétain, il est devenu interdit. Il y a eu une loi en Allemagne qui a interdit les choses, et que tout le monde voit aujourd'hui à quel point cette interdiction était un changement qualitatif des choses. C'était pas simplement que du jour au lendemain, un juif qui, la veille, aurait très facilement réussi à devenir professeur d'université, le lendemain était interdit. La veille aussi, ça lui était difficile. Mais on voit très bien que c'était, ça signifiait vraiment que le juif ne faisait pas partie de la société. Aujourd'hui, ça signifie vraiment que les végétariens ne font pas partie de la société. D'un autre côté, je trouve que ces textes de loi sont quelque chose de positif, d'une certaine manière. Parce qu'il est difficile d'attaquer une réalité sociale. Il est difficile de lutter de front contre 100 000 cuisiniers, 50 000 cuisiniers, je ne sais pas combien il y a de cantines, 50 000 gestionnaires de cantines. Il est difficile de lutter, enfin, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais si on veut le faire, il faut lutter contre, par exemple, dans ton cas, contre l'hôpital numéro 1, qui n'a pas accepté ta demande, l'hôpital numéro 2, l'hôpital numéro 3, chaque fois sans avoir des textes très précis. Donc, qui est difficile de lutter contre quelque chose de totalement diffus dans la société. Maintenant, nous avons l'État français qui interdit le végétarisme, et je pense que ces textes sont attaquables sur plein de points. C'est-à-dire que si, d'une certaine façon, ces textes ne tiennent pas, ne peuvent pas tenir, je veux dire, si on arrive à avoir un rapport de force, c'est clair que sans rapport de force, les pires conneries peuvent passer et être acceptées et perdurer. Si on arrive à avoir un rapport de force sur un plan juridique, c'est clair qu'il s'agit... Si on arrive à ce que les végétariens acceptent de dire « je suis végétarien » et c'est une conviction personnelle qui doit être respectée au même titre que n'importe quelle conviction. Aujourd'hui, on a des textes de loi internationaux qui disent « les convictions religieuses doivent être respectées ». Qui disent ces convictions. Non seulement les convictions doivent être respectées, mais y compris les traductions concrètes de ces convictions religieuses, c'est-à-dire la liberté de culte, c'est une expression qui existe en France. Pas simplement liberté de croire dans sa tête, c'est ce que personne ne peut interdire, mais liberté de culte, liberté de mettre en pratique les choses. Quand l'État enfreint la liberté de culte, l'État doit montrer qu'il y a une nécessité réelle et importante. Alors, je ne sais pas comment c'est formulé exactement, mais c'est clair que l'État ne peut pas interdire la liberté de culte simplement parce qu'il en envie, ou parce que ça serait un petit peu compliqué de faire un truc. Il doit avoir une raison précise, claire et sérieuse pour interdire. La liberté de culte, la liberté de religion, dans les textes internationaux, c'est souvent dit liberté de religion et de conviction. Le végétarisme, c'est une conviction, c'est pas une lubie. Nous avons chaque fois qu'on va devant un cuisinier ou quelque chose comme ça, on a l'impression d'être en train de faire un caprice. C'est pas un caprice, ça correspond à nos convictions, des convictions profondes qui, pour beaucoup d'entre nous, structurent notre existence. Parce qu'aujourd'hui, il faut avoir une conviction profonde pour arriver à être végétarien dans la société telle qu'elle est aujourd'hui, et nous devons exiger qu'elle soit respectée. Et je pense que toutes les instances internationales, on a vu le cas de la lettre à l'ONU, il faut pousser par rapport à ça. Par rapport à l'histoire du GMRCN, ça ne tient pas debout deux minutes. Toutes les... Enfin, dans plein d'autres pays, il est clair qu'il est parfaitement possible d'être végétarien, y compris pour un enfant. Je veux dire, on a parlé du truc de l'ADA, le truc canadien, des diététiciens canadiens. Il n'y a pas seulement ça, il y a simplement le fait que, bon, ici, il y a des enfants qui sont végétariens. Ils ne sont pas règles morts, quoi. Je veux dire, ils sont végétariens, végétaliens, ils sont pas règles morts, malgré le fait qu'en France, ils reçoivent très peu, leurs parents reçoivent très peu de conseils nutritionnels adéquats. Quel médecin nous dit il faut prendre de la B12? Quel médecin nous dit « Ah, vous ne buvez pas du lait de vache ?» Ben écoutez, vous savez, il y a le lait de soja, d'amande, de choses supplémentées en calcium, qui est aussi riche en calcium que le lait de vache, vous remplacez. Quel est le médecin qui dira ça? Il n'y en a pas. Personne. Moi, j'ai jamais entendu un médecin me dire ça. Quoi. Et je pense, est-ce que quelqu'un ici a entendu un médecin? Voilà. Bon. Donc. Ben, par ignorance ou par hostilité. C'est-à-dire, par ignorance, et quand c'est par ignorance, souvent c'est par l'hostilité des gens qui leur ont enseigné le truc. Donc on porte ça devant les instances internationales des droits humains, et je pense que là, il faut les gens qui nous disent « Ah, on ne veut pas défendre les droits des végétariens parce que les animaux, c'est bien pire », on voit bien ici que si nous défendons notre droit à la conviction, à nos convictions, qui sont les convictions selon lesquelles les animaux ne doivent pas être mangés, c'est un élément essentiel dans la lutte pour que les animaux ne soient pas mangés. Parce que si nous ne défendrons pas nos droits à avoir nos convictions respectées, eh ben, qui va arriver à faire avancer le débat sur le droit des animaux à ne pas être mangés? Donc, si nous arrivons à mettre clairement en évidence que ces textes s'appuient sur rien qui soit de sérieux. C'est-à-dire, on peut toujours dire que c'est vrai qu'il faut du calcium. Bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont, il y a des végétariens qui sont carencés en fer. Mais si on arrive à aller dans le fond des trucs, est-ce qu'il y a plus de végétariens carencés en fer? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres possibilités d'arriver à ce que les gens carencés en fer puissent le soigner, enfin avoir des. Régler le problème sans remanger de la viande, etc. Si on arrive à mettre en évidence que c'est ça qu'un État doit faire, un État doit respecter les convictions de ses citoyens et la politique sanitaire doit dire à leurs citoyens, dans le cadre de leurs convictions, comment être en bonne santé, c'est tout. Donc ces textes, en plus ces textes, il est clair que ces textes sont des textes produits, le GMR, c'est un organisme du ministère des Finances. La loi de modernisation de l'agriculture, c'est une loi évidemment de l'agriculture. C'est évident, enfin, il s'en cache à peine que c'est que les motivations derrière ces textes, il y a bien d'autres critères que la nutrition derrière ces textes. Il y a la loi, par exemple, ici dit. L'État a le droit de déterminer par décret des règles relatives à la qualité nutritionnelle des repas. Relatives à la qualité nutritionnelle des repas, ça devrait être des règles du genre les repas doivent contenir telle quantité de calcium. Les repas doivent contenir telle quantité de vitamine B12, de vitamine D, etc. Ça ne devrait pas être des règles disant, par exemple, dans le texte du GMRCN, le texte actuel, alors je vais prendre le texte actuel, nous dit, il importe aussi de favoriser la présence dans les menus de muscles non hachés cuisinés, nécessaires au maintien indispensable de l'indispensable éducation au goût. Bon, une règle nutritionnelle, c'est une histoire d'éducation au goût. Il est bon que les jeunes Français apprennent à aimer les choses de la culture française. La variété des plats protidiques, donc ça c'est dans la version qui vient de sortir et qui très vraisemblablement servira de base au décret. La variété des plats protidiques d'origine animale est essentielle. Poisson, bœuf, volaille, veau, porc, agneau, œufs et abats, intéressants pour leur forte teneur en fer. Ces variétés doivent bien être bien représentées. Je veux dire, là, même sans parler de végétarisme, pourquoi est-ce que... Enfin, entre bœuf et volaille, il doit y en avoir un qui est plus riche en fer que l'autre, ou alors ils sont équivalents. S'ils sont équivalents, il n'y a pas à dire qu'il faut bien représenter à la fois le bœuf et la volaille. Donc, il est clair là-dedans qu'il y a le monsieur lobby du cadavre de vente de cadavres de poisson, monsieur lobby de vente de cadavres de volaille, de bœuf, de veau, etc. Chacun, ils ont fait toc-toc-toc à la porte des ministères. Pardon ? Sauf le lobby des marchés qui n'a pas fait toc toc toc, et donc ils ont tous obtenu leur petite mention dans le GMRCN. C'est pas un texte nutritionnel, c'est un texte de normes que le gouvernement veut imposer pour des raisons X ou Y, mais qui ne sont pas des raisons nutritionnelles. Je pense que là-dedans, si le gouvernement se permet de faire ça, c'est parce qu'ils pensent que personne va rien faire contre, quoi. Je pense qu'il n'y a pas en France d'association de végétariens qui tiennent la route et que personne va leur taper sur les doigts, personne va contester au niveau juridique, personne va faire de manifestation contre ça. Donc ça va passer. Peut-être Juste un mot, c'est qu'au niveau de l'Association végétarienne de France, il y a un courrier qui vient d'être envoyé cette semaine à pas mal de ministères en réaction justement à ce projet-là de décret. Donc, enfin, le décret n'est pas encore tombé, mais on l'attend. Il y a un communiqué de presse qui va partir demain également pour en informer les médias sur ce sujet. C'est un peu faux de dire qu'il n'y a aucune association qui va faire quelque chose. Cette lettre et ce communiqué de presse vont être également donnés à toutes les associations, et tout ce qu'on espère et ce qu'on demande, c'est que toutes les associations aussi le reprennent, peuvent le modifier comme ils le veulent, s'ils le souhaitent utiliser, et aussi agissent de leur côté. Moi j'ai la lettre qui a été envoyée par AVF aux différents ministères cette semaine. Si ça vous intéresse, elle est un petit peu longue, enfin, les deux pages. Si ça vous intéresse, je peux vous la lire et vous la prépasser par la suite, sachant que le communiqué de presse sera envoyé demain. Oui, moi je trouvais intéressant de si tu la disais, oui. On peut la projeter. Oui, on peut la projeter. D'accord. Ouais. Donc là, il faut savoir que ce courrier, on travaille avec deux avocats qui ont travaillé avec nous et qui ont rédigé ce courrier. Donc ça a été fait par des gens qui s'y connaissent dans le droit. C'est quelque chose qui nous paraissait important parce que je pense qu'il faut quand même toujours bien comprendre entre la loi et le décret, qu'est-ce qu'on peut attaquer, qu'est-ce qu'on ne peut pas attaquer. En l'occurrence, on n'attaque pas les morts, on attaque les décrets. Donc le courrier qui a été envoyé, je pourrais vous dire après la liste des ministères qui ont reçu ce courrier. Donc l'objet, c'est le projet de réglementation imposant la consommation de viande dans les collectivités. Monsieur le ministre, la loi numéro 2010-874 du 27 juillet 2010 dispose que les gestionnaires publics et privés des services de restauration scolaire et universitaire, ainsi que des services de restauration de l'établissement d'accueil des enfants de moins de 6 ans, sont déterminés par décret relatif à la qualité nutritionnelle des repas qu'ils proposent. D'après une réponse de la ministre de la Santé publiée le 30 novembre 2010, les décrets d'application de cette disposition reprendraient sensiblement les recommandations du 4 mai 2007 du groupement d'études des marchés de la restauration collective et de la nutrition, actualisé le 15 juin 2011, qui se réfère au programme national Nutrition Santé. C'est un peu ce qu'on a vu ensemble. L'Association végétarienne de France attire votre attention sur les graves lacunes que présentent ces recommandations, sur leurs conséquences potentiellement négatives pour la santé publique et sur l'atteinte aux libertés individuelles et à l'environnement qui pourrait résulter de leur traduction en règles impératives. Les lacunes. Dans une réponse publiée le 18 avril 2006, le ministre de la Santé affirmait qu'il est possible d'obtenir une alimentation équilibrée en ne consommant ni viande ni poisson. De son côté, à titre d'exemple, le PNNS belge prévoit expressément que les protéines végétales peuvent être utilisées à la place des protéines animales dans le cadre de l'alimentation ketogénique. Mis à part quelques références anecdotiques aux protéines végétales, sans aucun exemple concret, à 8h dernière minute dans la nuit de jour du 15 juin, seule la viande, le poisson ou les œufs sont véritablement pris en compte et promus par le GEMRCM comme source de protéines et de fer, alors que ces nutriments nécessaires à une alimentation équilibrée sont disponibles en quantité et en qualité dans une alimentation végétarienne variée, notamment par l'association de produits céréaliers et de légumineuses. Ce parti pris rend illégitime toute normalisation des repas fondée sur les recommandations de cet organisme, d'autant plus que le fer héminique, en plus dans les produits d'origine animale, est impliqué dans la cancérogenèse du cancer des côlons. Les contradictions. Les recommandations alimentaires du GEMRACM ne sont soutenues par aucune source scientifique et contredisent les objectifs de santé publique poursuivis, alors que les études reprises notamment par le Fonds mondial de recherche contre le cancer démontrent l'influence pathogène d'une consommation excessive de graisse animale, par exemple en termes d'obésité, de maladies cardiovasculaires et de cancer, et que le GEMRCM ne tient pas compte des viandes, poissons, œufs et laitages consommés en plus de ceux servis en collectivité. Au contraire, le GEMRCM prône la consommation additionnelle de graisse animale au domicile des usagers, puisqu'il soutient, s'agissant de son programme d'alimentation, que l'effort que les collectivités pourront accomplir en l'appliquant doit être relayé par les particuliers pour les repas pris au domicile. l'absence totale d'effets négatifs et les vertus pour la santé d'une alimentation végétarienne équilibrée ont été démontrées par de nombreuses études scientifiques publiées dans de grandes revues internationales à comité de relecture, comme le mettent en avant différentes organisations telles que l'Association américaine de diététique, la Société canadienne de pédiatrie, l'Académie américaine de pédiatrie ou en France l'Association des professionnels de santé pour une alimentation responsable. L'atteinte aux libertés individuelles. L'obligation de suivre les recommandations du GERCM constituerait une violation des droits fondamentaux des personnes portées par leur conviction à adopter des repas végétariens. En effet, il ne serait plus possible pour ces personnes de convenir avec les services de restauration collective de modalités ouvertes leur permettant d'accéder à une alimentation végétarienne. Le choix d'un mode d'alimentation est une composante des libertés individuelles constitutionnellement et internationalement reconnues. À cet égard, la réglementation française serait en contradiction avec les exigences de liberté de la Constitution et celle de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui s'impose à la France et dont l'article 9 rappelle formellement la liberté de conscience et de conviction des individus. Par un arrêt Jakobski du 7 décembre 2010, la Cour européenne des droits de l'homme vient ainsi de condamner la Pologne sur le fondement de ce texte en constatant que cet État avait refusé la demande d'un détenu pour bénéficier d'une alimentation végétarienne. Ainsi, les choix alimentaires végétariens, qui intègrent notamment et selon le cas des considérations éthiques de respect de la vie, de souffrance animale, de solidarité alimentaire dans le niveau et de protection de l'environnement, ne saurait être de facto interdit par les règles applicables dans la restauration collective dépendant des pouvoirs publics. Cette exigence est renforcée par le fait qu'une grande partie des usagers, enfants, personnes handicapées, détenus ou personnes âgées, ne peuvent pouvoir eux-mêmes à leur alimentation. L'atteinte à l'environnement. Une réglementation imposant les recommandations du GERCM dans la restauration collective violerait enfin la Constitution et les engagements de la France relatifs à la protection de l'environnement. L'élevage est la cause de multiples pollutions et consommations excessives de la ressource en eau. Selon les ressources, il entraîne 18 à 22% des émissions de gaz à effet de serre liées à l'activité humaine et contribue sensiblement au QSI. La France a pris des engagements internationaux sur la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre. Le président du GIEC a plusieurs fois invité les gouvernements à promouvoir le végétarisme pour lutter contre le réchauffement climatique. Les articles 2 et 3 de la Charte de l'environnement imposent à toute personne de prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement et de prendre part à sa préservation. Dans un arrêt commune d'Annecy du 3 octobre 2008, le Conseil d'État a confirmé que cette charte a valeur constitutionnelle et s'impose au pouvoir public. L'Association végétarienne de France vous demande par conséquent de n'édicter aucune réglementation qui entraverait de façon directe ou indirecte la liberté de toute personne d'accéder à une alimentation végétarienne équilibrée et conforme à ses convictions. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma haute considération. Cette lettre-là qui est envoyée, alors pour avoir la liste allemande, etc. Oui, bah, cette lettre, elle va être communiquée aussi à toutes les associations qui souhaitent l'utiliser et l'exploiter. Ça a été envoyé au Premier ministre, au ministère de l'écologie, du développement durable et de l'agenda rural, au ministère de l'intérieur, au ministère des affaires étrangères, économie, immigration, agriculture, bien évidemment, et pêche, au ministère du travail, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, de la défense, au ministère de la santé, au ministère du logement, au ministère de la culture, le ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique, et le haut commissariat aux solidarités actives contre la pauvreté. Donc on a balayé assez large, quand même, dans l'envoi du message. Donc voilà, c'était juste pour donner les premiers éléments sur ce que faisait, ce qu'on avait commencé à faire l'association. Vous n'avez pas un communiqué de presse aussi alors ? Le communiqué est en cours de relecture, de petite retouche et il sera envoyé demain. Donc, c'est un communiqué qui va partir demain aux médias. Sachant que ce courrier-là, il va être donné à toutes les associations et les collectifs qui souhaitent l'utiliser. La lettre peut être reprise telle qu'elle ou modifiée, selon ce que souhaitent faire les associations. Et je pense qu'après, nous, on va essayer de suivre le travail avec la SARES, que ce soit plutôt les professionnels de santé qui contactent les agences, l'AMC, pour essayer d'obtenir des sources et de discuter avec eux sur les fondements scientifiques. On se dit que c'est plus le rôle de la SARES de faire cette partie-là. On va entrer en contact avec eux pour en discuter. Voilà, c'était un petit point à jour pour l'association des États-Unis. Sachant qu'une des avocates qui a travaillé sur ce courrier, elle sera là au festival vendredi samedi, donc du coup elle connaît à fond le dossier puisqu'elle a passé beaucoup de temps à lire tous les documents, les pavés de 80 pages et compagnie. Donc s'il y en a qui veulent discuter plus avec elle, Hélène sera là vendredi samedi. Bon, il y a du temps qui parlait du fait qu'il fallait pas faire un rapport force, qui parlait de manifestations, des choses comme ça. Il y a eu des idées déjà, des lignes, aussi, et son ADF, c'est eu une discussion sur ce point-là ou pas? Moi, j'avais lancé un peu sur la position de la main de la sociologie, c'était de communiquer l'étude de la table. Avec quel moyen, continuer d'essayer de médiatiser un peu et puis Voilà, donc il faut trouver le moyen de médiatiser. Il y a aussi là, enfin, moi, le, quand j'allais faire le ministère, enfin, peut-être c'était bien de mettre en copie la Commission européenne, par exemple. Alors que le pain aussi montrait que, enfin, au niveau européen, normalement, ce texte ne passe pas. Donc, de mettre copie et de mettre des copies à l'ONU dans le milieu de ce que vous avez fait. Pour le en charge des Américaines, on a un tête, mais des Françaises à la France. Enfin, je ne suis pas très grande célébrité, je le reconnais, mais à ma connaissance. Il peut peut-être y avoir des hommes politiques qui sont venus à la soirée qui est organisée en mai dernier, notamment par la 214 et ADS, à l'Assemblée nationale sur la réduction de la production de la consommation de femmes. Il y avait. C'est dans la deuxième étape, on a prévu de les contacter également, si je suis Cochet et quelques autres. Le problème, c'est que parmi ces gens-là, il y a des gens qui sont quand même assez réclamants sur certaines autres idées. Donc, ça pose problème aussi de s'allier pour une cause à des gens qui, par ailleurs, professent des idées nous avoir, comme François Brodiquet, qui est quasiment protégé. François Brodiquet, j'ai vu une vidéo où il était avec eux. Pour eux, c'était la même information. Non. C'était un des cochers, Brodiquet. De la France, mais c'est un scientifique qui s'est fait connaître sur d'autres sujets de manière négative. Et là, par contre, il a l'air très en phase avec l'idée de diminution de l'industrie végétarienne et de diminution de l'industrie. Moi, si. Je sais que je suis je saurais si on essaie plutôt de contacter des gens qui sont impliqués dans la défense des droits humains, là, c'est pas le moment. C'est un moment de. Il s'agit de défendre le droit à certaines convictions, à la pratique qui correspond à certaines convictions. Si quelqu'un du FN veut défendre ce droit, je regrette qu'il soit du FN, mais je pense que ça vaut pour défendre ce droit. Moi, je suis d'accord avec toi, mais je me rends compte maintenant de ce que j'ai dit. C'était plus par rapport à une certaine classe élitiste de la politique. C'était pas par rapport aux idées de nos amis, parce que je pense que justement, on va ramener des gens vers des idées saines par le biais de la question de l'humain à l'autre. Mais par contre, ça vient avec des gens qui sont quand même très hauts dans les chartes politiques, très simples, un petit peu risqués ou bizarres. Non, mais je pense qu'il faut s'allier avec. Si quelqu'un veut se prononcer en faveur de ce qu'on demande, c'est pas s'allier avec. C'est ajouter sa voix à ce qu'on demande. C'est pas lui qui va. Ça ne se substitue pas à la nécessité de faire des manifestations ou tout ce qu'on voudra faire d'autres qui. Puis à un moment, quand je dis que c'est très bien si on fait appel à des personnalités, ça ne veut pas dire qu'il faut se contenter de la voix des personnalités. Pour moi, la voix qui importe, c'est en premier, c'est la voix des personnes qui refusent de manger les animaux et qui sont victimes de ce fait. Une idée d'action à la France, c'est quoi? Il y a un groupe de personnes qui camperaient dans la rue en face de la milieu en ligne. Tout ce qu'on sait un petit peu professionnellement. Parce qu'on dit, voilà ce qui nous attend grâce à la loi. Ça peut être des grèves de la faim symbolique pour dire ça, enfin des vraies grèves de la faim, je veux dire des trucs. Oui, non, mais des trucs tournants, des machins comme ça, pour dire cette loi. Effectivement, ça peut être assez fort dans ce sens-là, parce qu'il y a vraiment un lien direct qui est intéressant. Nous, on a les convictions, mais si on fait une façon de faire c'est pas mal. On avait parlé aussi de l'élection comme s'enchaîner à des grilles, des agricultures, des machins comme ça. À mon avis, faire des trucs offensifs, ça peut être. Faire des trucs offensifs, ça peut être pas mal. Dans l'idée de constituer un peu, de faire une sorte d'un peu d'électrochoc sur ces questions-là, d'une part au cas d'Einstein, mais aussi au cas de climat en général, faire des trucs un petit peu qui bougent, quoi, sur. Il y a sûrement des histoires trop simples qui sont possibles. Et... Entre nous, le lien avec la question est. Pourquoi pensez-vous, je veux dire, si, enfin, je ne sais pas qui prendra ces décrets, je ne sais pas quel ministère prendra les décrets. Je pense que c'est imminent. Mais par exemple, je pense qu'il y a des chances que ça soit fait au cours du mois d'août, c'est bien sûr. On va rentrer, voilà. Donc, si on s'enchaîne, si on bloque par exemple l'entrée du ministère de l'Agriculture, on peut dire, eux peuvent nous empêcher de manger, nous on les empêche de. C'est juste par rapport à la conclusion au sous-texte là et ce qu'on a appris dans un des professeurs qui m'ont confirmé, que sous-texto, apparemment, pour son info, c'est sûr, proposerait des repas végétariens à chaque jour, quoi. Mais c'est pas encore conclu, là, ce qu'on faisait dans ce pays. C'est un peu polémique, je vais dire. Je suis pas sûr. Puisque tu as dit que. On sait tous que dans la pratique, ça ne change pas grand chose. Et tu as dit que c'était positif dans le sens. Ça les rendait attaquables juridiquement, par exemple, par une autorité internationale par rapport à la liberté de conviction. C'était bien que ça les rende attaquables. Et comme on sait que la partie ne change pas grand-chose, est-ce qu'il faut vraiment chercher à empêcher les décrets? Sur la base de la liberté d'opinion de revoir un décret, je pense que c'est, et d'autoriser les gens à manger végétarien, parce que forcément ça deviendra quelque chose de visible si on arrive à contrer ce décret, je pense que ce sera un pas fort. Ce sera autant visible que s'il avait été supprimé par le décret. Que s'il avait été supprimé une fois que le décret sera adopté. Et ensuite, ils sont obligés de supprimer. Après, en théorie, on ne sait pas que soit en fait une procédure si on a senti l'État français condamné par une autorité internationale, c'est quelque chose de très difficile. Mais c'est plus dur. Et même si malgré ça, ça passe, regarde, ta réaction après. Je dis un truc et puis c'est obligatoire. Je ne sais pas si tu l'as dit, mais en fait, aujourd'hui, c'est vrai que c'est très difficile de faire des variants à leur antique, mais il y a des situations quand même où on arrive justement à se gérer, ou en pouvant cuisiner un peu l'air d'esprit, qui débloquer. Voilà, et donc si ce décret passe, même ça, c'est possible parce que c'est illégal. Et puis de l'autre côté, c'est vrai que voilà, si le décret, enfin, si on fait une campagne et qu'on arrive à faire ça ouvre la porte justement à la fédération de leur droit du végétarien. Donc, c'est vrai, il y a quand même une amélioration. J'ai le sentiment que bien, etc. Ce serait moins, moins d'impact. Bon, moi, je suis entièrement d'accord. sur ce que vous venez de dire. Là. Je voulais juste noter un petit point juridique, c'est que je pense que jusqu'à maintenant, quand on demandait un menu végétarien, on se heurtait à un argument de praticité, c'est-à-dire, et c'était un argument très fort auquel on se heurtait, c'est-à-dire, c'est, ah ben, il est difficile de faire un régime juste pour vous, alors que la loi, c'était difficile d'aller à l'encontre de cet argument, parce que les questions pratiques sont des questions réelles, substantielles, et donc, au niveau juridique, ce serait l'opposition entre une exigence pratique, après une exigence de conviction, et puis des questions pratiques. Alors qu'avec la loi impose à tout cuisinier, y compris le cuisinier où ces questions pratiques ne se poseraient pas, à toute cantine. Et donc, cette loi ne peut pas du tout se prévaloir de du caractère de nécessité pratique de faire d'exclure les repas végétariens. Et je pense que là, dans cette loi, cette loi est beaucoup plus fragile que l'opposition individuelle que chacun pouvait rencontrer dans le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense vraiment que si on arrive à avoir une mobilisation un rapport de force dessus, qu'au niveau juridique, ce truc-là, il tombe. Il ne tombe pas, quoi. Moi, je pense que le plan pratique, ce serait préférable, au lieu de faire d'essayer de mobiliser plusieurs villes à la même journée, de faire une mobilisation par ville à des dates différentes. Parce que, oui. Moi, j'ai cru que cette année, avec la Veggie Pride, le fait qu'il y ait deux événements. Donc, il y a plusieurs communiqués de presse avec des choses qui se passaient, ont vraiment alerté. Je pense que c'est quand même un bon résultat et que c'est aussi bon pour ça. Parce que c'est bien la même. Voilà, et donc, on a fait un truc itinérant. Donc, par contre, les villes de France, toutes les villes, on a vu la même chose. Avec chaque fois, on était. La première fois, ils ignorent. Ça peut être des actions symboliques, des restaurations, on a un on a des plateaux vides et on reste. Oui, ce serait censé prendre la force. On fait un anime dans la rue avec des banderoles, que pour ça. J'ai peur qu'on soit sur une action symbolique, peut-être qu'il y a deux étapes, il y a une étape vraiment d'information où justement on recolte aussi les mails, les gens qui ont envie d'agir pour ça, et puis une deuxième étape, enfin l'état des lieux d'abord, voir combien on est à pouvoir agir, et puis évaluer si on est. pense que dans le tableau, il ne faut pas oublier le fait qu'il y a des végétariens et il y a des végétaliens, et que le texte du GMSN est encore beaucoup plus négatif. Enfin, je dirais qu'il impose des laitages, mais alors, chaque... C'est sûr que tel que c'est prévu pour le moment, c'est la misère pour les végétaliens. Ah. Enfin, c'est pas un repas. On peut pas faire un repas avec les végétaliens. Il faudrait demander directement aux végétaliens ou aux végétaliens. Enfin, autant je pense que c'est important d'accepter le végétarisme comme étant une révolte réelle, significative au niveau individuel contre la consommation de la viande. Je pense qu'au niveau collectif, il faut exiger le végétalisme, parce que le végétarisme ne implique forcément au niveau collectif la continuation de l'exploitation des animaux et de la mise à mort des abattoirs. C'est-à-dire, on ne peut pas... Et qu'ils s'en servent déjà comme argument pour dire « Ah, mais vous êtes végétarien, mais ça ne sert à rien, voyons. Vous n'osez pas être végétarien. » C'est... Enfin, pour essayer de guider la protestation végétarienne de toute substance, en pointant très justement le fait que si on continue à produire le lait, les fromages et tout le reste, effectivement, c'est un truc qui mettra à mort les veaux et tout le reste. Et donc, je pense qu'il faut absolument aller à l'encontre en particulier de cette espèce de bourrage de crâne systématique et répété par rapport à l'État. D'autant plus qu'à ce niveau-là, c'est le seul argument qui est en faveur de l'étage nutritionnel, c'est le calcium, et c'est le seul qu'ils mettent en avant, et que le calcium, de partout, c'est la chose la plus abondante du monde. Enfin, le lait de soja, c'est dans la nappe, c'est facile d'avoir. Je voudrais vous dire le soja qui sert à faire le lait de soja quand il est cultivé sur le sol français. Donc, le plus cher en France, je suis. Il n'y a pas de pays émergents. Il n'y a pas cultivé sur la forêt amazonienne, ça dépend du marché. Non, c'est la viande, c'est la marque de champ, c'est l'Autriche. Ouais. Donc, en général, les trucs bio sont en France. Et bon, après, plus sur les en asiatique, non. Non, mais on n'est pas dans le sujet. Si on veut être éthique, il faut être éthique, y compris dans les on peut se focaliser sur un absolu sans nécessairement devoir montrer ta blanche. Il ne faut pas que le remettre sur quelqu'un. Mais ça dépend, parce qu'en fait, le remède, ça peut être. Si c'est un pas en avant vers la position de l'esclavage animal, peu importe qu'il soit à un autre niveau dommageable. C'est une limite politique, c'est pas un truc où on va calculer le point d'attitude. Il peut y avoir des alternatives qui restent à l'ensemble des situations. Je suis touchée par rapport au contexte de la maladie. Mais le décret tout seul, il suffira d'être harmonisé pour que ce soit un reste. Si le fait de ne pas pouvoir manger végé dans la restauration collective ne mobilise pas les végés, ça va devenir des espérances. Il faut que ça mobilise aussi ceux qui n'ont peut-être pas encore végé, mais qui peut-être peuvent, à l'occasion de manifestations, acquérir des informations, qui aident à prendre conscience. Parce que ça devrait être un implique. Ça devrait être un support à prendre le droit à la liberté. Moi, je pense que même des non-végétariens devraient aussi défendre le fait qu'on puisse être végétarien. C'est pas parce qu'on est végé ou non-végé. Pour moi, il y a plein de sujets homosexuels, je trouve que c'est normal qu'on puisse être. Alors voilà, c'est pas parce qu'on est non-végétarien qu'on doit se dire aussi que... Mais par exemple, dans le nombre qu'on a ici, qui est-ce qui serait intéressé ou qui est-ce qui serait partant pour se mobiliser, c'est-à-dire pour travailler sur le moyen terme, sur cette question-là, pourquoi? ça fait une quinzaine de personnes, par exemple. Voilà, j'ai pas fait d'autres, je ne pense pas que j'aurai le temps de réfléchir à ce que je vais faire, mais si vous avez décidé d'un programme d'action, je sais pas, vous m'aidez à y faire. Physiquement, voilà. Non, c'est pas mal, ça vaudrait le coup de créer un groupe de travail sur le fond. Qu'est-ce qu'il faut faire tout de suite? Et par rapport à ce que vous disiez, que des lignes végétariens peuvent très bien défendre le fait qu'ils sont végétariens, c'est exactement le cas dans la pétition que nous avons signée pour des lignes végétariens en restauration collective. Dans les signataires, on a 50 000 signataires, c'est pas que des. Une grosse partie de nos végétariens qui ont signé parce qu'ils trouvent effectivement que c'est normal qu'ils soient végétariens. Et on peut s'en sortir. Je pense pas. Même dans le cas d'une pétition pour un sujet, que tu puisses contacter les gens pour leur faire des choses. Je ne suis pas sûre. Non, on peut se servir de ça. Et on peut se servir de dire on a plus de 50 000 signatures sur cette pétition. Oui, on peut se servir. On sait que tu voulais dire servir des gens pour les contacter. Donc, ce qui serait super si on avait 50 000 personnes à contacter en disant vous êtes pour les restaurants. Je ne crois pas qu'on peut demander à quelqu'un, c'est quand même, c'est pas sûr. Ouais, mais je suis pas sûre qu'on demande les principes de la classe. Mais là, c'est pas des choses pour que ce soit prévu avant, et là, c'est vraiment dans le cadre d'une signature. Les gens, quand ils signent, ils disent vraiment, c'est un engagement. Ils signent que pour ça, vous allez pas. On dit toujours qu'on utilise. Voilà, ils signent pour la pétition et pas pour autre chose. Mais comme c'est une action qui va dans le sens de la pétition. Là, donc, c'est là.